Tu cherches, philosophe? Ô penseur, tu médites? Veux-tu trouver le vrai sous nos brumes maudites? Crois, pleure, abîme-toi dans l'insondable amour. Quiconque est bon voit clair dans l'obscur carrefour. Quiconque est bon habite un coin de ciel. Ô sage, la bonté qui du monde éclaire le visage, la bonté, ce regard du matin ingénu, la bonté, pur rayon qui chauffe l'inconnu, instinct qui dans la nuit et dans la souffrance aime, et le trait d'union ineffable et suprême qui joint dans l'ombre, hélas, si lugubre souvent, le grand ignorant, l'âne, à Dieu, le grand savant. Fin du poème 53, Le crapaud.